Jidérian, Jidérian, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce second numéro consacré au RPG Day 2018. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions numéro 8 à 15. Où l'on va parler notamment du nom de personnage le plus fou que l'on ait rencontré, de l'évolution de notre expérience dans le jeu de rôle, et aussi d'échecs devenus notamment très étonnants. Alors, question numéro 8. Comment faire pour attirer plus de joueurs dans le hobby? Alors, je vais dire un truc qui va énerver énormément de monde, je préviens. Non, pas toi. En le rendant plus accessible. Et alors, je vais même aller beaucoup plus loin, parce que ça, quand t'as dit ça, t'as rien dit. Parce qu'on a de plus en plus de jeux qui font plus 300 pages, même si il y en a encore, mais tu arrives maintenant à trouver des jeux qui font une vingtaine de pages ou une soixantaine de pages, ce qui est largement accessible. Et j'en veux pour preuve, par exemple, La Vie de l'Absent qu'on a testé très récemment. Mais je pense qu'il faut accepter que le jeu de rôle soit protéiforme, en fait. Et qu'il n'y ait pas une règle pour faire du jeu de rôle. C'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est pas un MJ et des joueurs, par exemple. Et qu'il faut donner des dispositifs qui soient différents de ce que l'on peut connaître pour donner justement accès ensuite au jeu de rôle. Je pense notamment à la maison d'édition Makaka qui a développé des BD dont on est le héros. Donc ils sont clairement un dérivé des livres dont on est le héros, quoi, qui ont mis souvent le pied à l'étrier des rôlistes. Et là, ils viennent de sortir, je sais pas trop comment l'appeler, mais une BD collaborative dont on est le héros, qui s'appelle Bayam, où en fait, c'est fait pour 4 joueurs. Chacun a sa BD devant soi, on joue ensemble, mais à certains moments, dans certaines cases, il y a que certains personnages qui peuvent faire certaines actions et débloquer des situations. Ben, est-ce que c'est du jeu de rôle ou pas? J'en sais rien. Oui, parce que chacun incarne un rôle, chacun a ses capacités spéciales, et aura ses choix à faire. Et peut-être que non, parce qu'il n'y a pas de MJ, parce qu'il n'y a pas de GD, etc. Mais pour moi, ça permet à des personnes, de prendre pendant une heure, un rôle, de vivre une aventure, de s'éclater ensemble, et voilà. Donc, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut accepter de se retrouver avec des systèmes qui ne soient pas que maître du jeu et des joueurs. Et à mon avis, il faut accepter qu'effectivement, des jeux sans MJ, c'est du jeu de rôle, hein, désolé pour certains sites connus en France, qu'on a d'autres formes qui sont aussi du jeu de rôle et qui, en tout cas, qui permettraient d'accéder à ce qu'on connaît traditionnellement depuis 40 ans. Donc pour attirer plus de joueurs, au final, si je comprends bien, il faut être adaptatif aux personnes qui sont autour de la table et aux personnages qui sont dans le jeu. Ouais, et alors, aux personnes d'abord, et effectivement, il faut se mettre à leur portée, et pas leur proposer des parties de 6 heures de jeu, déjà, et puis que le contenu et le matériel soient accessibles, et accepter qu'effectivement, il y a différentes formes de jeux de rôle. Et une fois qu'on sera plus ouvert d'esprit, je pense qu'on pourra accueillir vachement plus facilement les gens. On va passer à la question 9. De quelle façon un jeu vous a-t-il surpris? Même la question est surprenante. Alors, je vais revenir sur un jeu. Alors, j'en ai parlé dans le précédent podcast. À savoir les petites choses oubliées. Qui est le jeu qui m'a le plus surpris. Je sais pas si c'est le plus surpris, mais comme vous savez que c'est le jeu qui m'a tellement bouleversé que je peux pas ne pas en parler. Ça m'a surpris de deux manières. La première des choses, il m'a surpris déjà par son format. Puisque le format du jeu, ce sont des cartes postales. Et pas un livre. Donc déjà, c'était un premier choc. En plus, l'objet est beau. Bon, je suis fan, donc forcément, je vais dire que des trucs positifs, hein, mais l'objet est beau. Le jeu est écrit sur des cartes postales. Le texte est touchant, l'histoire qui est racontée, hyper touchante. Donc déjà, ça m'avait déjà scotché sur ça, et ça m'avait déjà... ça répondait déjà à la question. Mais en plus, l'expérience de jeu a été bouleversante. Chose que je n'avais jamais ressentie. C'est-à-dire bouleversante. Alors, bouleversante au point où moi, ma conclusion, alors, je vais spoiler, mais j'ai déjà écrit un article dessus, c'est que je considère que ce jeu, tu ne peux pas y jouer avec ton compagnon ou ta compagne. Puisqu'en fait, le pitch, désolé, je parle de ça comme si tout le monde connaissait, mais parce qu'en gros, le pitch, c'est un dérivé, on va dire, de cet extraordinaire aussi film Eternal Sunshine on the Spotless Line, où un couple, en fait, fait le point sur sa relation avant de décider d'effacer les souvenirs qu'il a vécus. Et revit à travers ses cartes postales, en fait, des souvenirs, et on raconte les souvenirs de ce couple, et jusqu'à arriver au moment où, à la fin, on décide, est-ce qu'on leur donne une chance de se mettre ensemble, ou pas. Alors, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à ce que je fais d'habitude, à prendre de la distance, mais ça m'a vraiment remué les tripes. Parce que il y a des choses que j'ai pu dire dans cette partie qui sont de mon vécu. Et je me dis que c'est impossible de faire ça avec son compagnon ou sa compagne parce que c'est le meilleur moment de d'ouvrir des plaies, quoi. Vraiment. Oui, voilà. Tout va ressortir. C'est ça. Le bon comme le mauvais. Exactement. Donc, et ça m'a vraiment étonné parce que c'était la première fois de ma vie qu'un jeu de rôle me faisait ressentir ça. Et c'est vraiment la première fois que j'ai ressenti des émotions si intenses au point de me dire que, d'une part, quand je vais y rejouer, parce que j'ai promis que je ferai un podcast dessus, il faudra que je choisisse très bien la personne. Et d'autre part, il faudra que je sois dans un bon état d'esprit. Parce que sinon, moi personnellement, ça m'avait vraiment, vraiment touché. Et voilà. Donc, je sais que j'ai deux contraintes fortes avant de pouvoir enregistrer ce podcast. Et moi, j'aimerais enregistrer la partie, en plus. Mais c'est ça c'est vraiment le jeu qui m'a le plus étonné parce que aussi bien dans son matériel que dans la partie qu'il m'a proposée j'avais été vraiment vraiment enfin plus qu'étonné quoi. Dixième question, de quelle façon ce hobby vous a-t-il changé? Il y a bien un moment où il y a eu un avant et un après. En fait, le problème c'est que c'est tellement mêlé à ma vie qu'en fait je sais pas qui de l'œuf et de la poule est arrivé le premier en fait. Moi le jeu de rôle est arrivé à un moment clé de ma vie, vraiment. Et il y a eu énormément de choses qui ont basculé. Et je sais pas si c'est le jeu de rôle qui a fait basculer certaines choses, ou si c'est ma vie qui a fait basculer. Donc sur cette question je pourrais répondre des trucs à la con du style ça m'a donné de l'assurance à parler en public, à animer des parties machin. Sauf que mon job c'est aussi animer des réunions et que j'ai l'habitude de prendre la parole en public parce que j'avais déjà fait plusieurs conférences bien avant de commencer le jeu de rôle. Donc très franchement je pense que cette question je vais la passer parce que je suis incapable d'extraire ma vie perso professionnelle et ma vie de jeu de rôle en fait. Donc sur celle-là, je vais prendre mon joker et suivante. Attention, il n'y a pas beaucoup de jokers. Alors, on va à la question numéro 11. Le nom le plus fou de personnage que vous ayez vu? Joker. Non, je sais pas, c'est une question conne ça. Enfin j'ai les connes, je suis désolé, mais elle est tellement caricaturale. Je sais pas, en plus, j'ai envie de dire, le pire, ça me vient pas en tête comme ça, spontanément, mais les pires noms de personnages que j'ai pu voir, c'est ceux des joueurs qui vont prendre inspiration de noms célèbres, quoi. Ou de personnages célèbres, quoi. Et puis en plus en étant caricatural, alors j'exagère, mais par exemple je m'inspire de Jackie Chan et je vais l'appeler Jackie Chang quoi. Enfin c'est ça peut être aussi caricatural que ça. Non, j'ai vraiment vécu des situations où les personnages, enfin les joueurs ont donné des noms aux personnages qui oh my god quoi. Je sais pas. Oui. C'est juste des personnes qui vont utiliser des références, et ça, c'est le truc qui... je me dis, oh mon Dieu, quoi. Pourtant, il doit y avoir quand même pas mal de références. Je vais dire, par exemple, pour la pop culture, il doit y avoir pas mal de références. Ah, mais ouais, mais il y en a énormément. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que tu joues à la manière d'eux que t'es obligé de t'appeler comme. Oui. Bah, c'est juste ça. C'est, t'as le droit d'avoir, de prendre un archétype qui ressemble à Spider-Man sans forcément t'appeler Peter Parker, quoi. Pas loin de la vérité de ce que j'ai pu vivre, hein, donc. Ok. Il ne manque plus que Spider-Man s'appelle Jackie Chan. Alors, la question la numéro 12. Le concept le plus fou de personnage que vous ayez vu? Waouh. Alors, je vais un peu biaiser la réponse, d'accord? Enfin, c'est le genre de question où en fait où la réponse ça va être j'ai vu un je sais pas un maître ninja cuistot quoi. Donc mais non, c'est pas ça du tout. Le concept le plus fou que j'ai vu, c'est plutôt lorsque mon ami Vincent a interprété un paladin. Alors effectivement dit comme ça veut rien dire. Faut savoir que Vincent, son personnage favori et fétiche, c'est un rogue et donc un rogue halfling. Donc c'est-à-dire un personnage qui est plutôt fantasque, qui a très souvent très peu de sagesse, qui en plus bah, de ce fait quand il y a une situation où c'est un peu tendu et voilà va faire le con pour mettre tout le monde dans la merde, mais parce que son personnage bah, il est pas sage. Voilà. Et donc ça c'est un des deux. Parce qu'il me dirait, oui, mais il y a aussi l'ensorceleur. Oui, effectivement. Mais c'est un des deux personnages, et surtout que c'est, il joue toujours des chaotiques bons, mais des chaotiques. Quant sur ma campagne, justement, de Pathfinder sur Corvosa, dont j'ai parlé juste avant, il m'a dit, je veux jouer un paladin loyal bon. Je reconnais que je me suis dit, il y a du concept là. Il y a eu du concept à tel point qu'il a quand même monté le personnage niveau 7, donc il a dû bien faire, je pense, une bonne vingtaine de séances, à peu près. Et qu'au bout de la 20e séance, il est venu me voir à la fin de la partie en me disant, j'en peux plus. Je ne peux plus jouer un paladin, ce n'est pas moi. Et j'ai dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, on l'a fait partir de manière propre, il a pris un autre personnage qui était foufou, qui le représentait bien, donc, pour moi, le concept que j'ai vu le plus fou, ça a été Vincent en paladin. Voilà. Parce que c'était juste deux choses qui ne pouvaient pas aller ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai vu moi de plus fou, vraiment. Alors, tu as utilisé un joker dans la question 10, de quelle façon ce hobby vous a-t-il changé? Mais on va quand même revenir avec la question numéro 13, décrivez l'évolution de votre expérience de jeu. Ah, ça c'est Donc au facile. final, on revient un petit peu Ah ben sur... non, pas du tout. À Rien à voir. voir. Rien à voir, et en plus j'ai commencé à en parler. Mon évolution en termes d'expérience de jeu, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je disais au départ. Je suis parti, j'ai commencé le jeu de rôle avec des jeux hyper traditionnels. C'est-à-dire, le premier jeu que j'ai fait, enfin, la première partie de jeu de rôle, bon, si, d'accord, la première partie de jeu de rôle que j'ai faite, ok, c'était Terre du Milieu. Bon, ok. Mais j'étais très très petit. En tant qu'adulte, ma première partie, ça a été sur du Vampire la Mascarade. Ma deuxième partie, je parle bien de partie, hein, a été sur du Donjons et Dragons. Et ma troisième partie, sur de l'Appel de Cthulhu. Et tout ça, je les ai enchaînés sur des campagnes, donc durant beaucoup de séances. Donc j'ai joué à beaucoup de jeux tradis en tant que joueur, et rapidement, je suis devenu maître de jeu. Parce qu'en fait, j'avais envie de raconter des histoires. J'aimais bien les vivre. Mais par contre, j'avais aussi envie de les faire vivre en fait. Donc très vite, je suis devenu maître de jeu, et à tel point que j'ai plus beaucoup joué. Et comme je disais tout à l'heure, ben j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à des séries américaines, à des séries où il y a du drama, à inclure du drama dans de l'Appel de Cthulhu. Et puis est arrivée une maison d'édition que je regrette. Oui, Ludovic, c'est dédicace pour toi. La boîte à eux. Qui m'a fait découvrir des jeux à narration partagée, sans maître de jeu. Ça m'a retourné le cerveau. Et puis est arrivé ensuite ben, Apocalypse World, qui lui n'était pas au sens propre révolutionnaire, puisqu'il a formalisé plein de choses que l'on faisait en fait chacun dans notre coin, mais il les a formalisées. Et ça, c'est son génie. Mais par contre, tous les conseils qu'il donnait et justement tout le drama qu'il mettait entre les personnages. Et entre les personnages joueurs surtout, bah oui, il m'a fait me dire, waouh, c'est génial, on peut jouer à du jeu de rôle sans avoir à passer une semaine à préparer un scénario. On peut prendre du plaisir. On peut aussi prendre du plaisir en étant maître de jeu et en étant surpris par l'histoire. voilà. Donc je suis passé de quelque chose de ultra classique où on me menait par le bout du nez et en gros j'étais en mode train fantôme à on est une bande de copains et copines, on joue ensemble et on joue vraiment ensemble avec des surprises pour chacun des deux côtés de l'écran, aussi bien pour les joueurs que pour le maître de jeu. Et ça, c'est le fait de partager la responsabilité de la partie, de partager la responsabilité de l'histoire et du plaisir de chacun. Ouais, ça, c'est vraiment ça qui me plaît maintenant. Et vraiment, vraiment beaucoup. Alors, tu vas me permettre d'ouvrir une parenthèse, mais tu parles d'impact des séries sur ton jeu de rôle. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un jeu de rôle dans une série? Si je prends l'exemple de Stranger Things. Alors, ce n'est pas une question piège. Non, je sais que c'est pas une question piège. Je vais te dire ce que vont te dire les rôlistes, ils trouvent ça génial. Qu'il y ait un jeu de rôle ou que le jeu de rôle soit génial dans non, la non, série. Non, qu'il y ait un jeu de rôle dans une série. À large diffusion. Les rôlistes trouvent ça génial. Moi, je trouve ça anecdotique. Enfin, au sens où ils joueraient à la console, ce serait pareil. Je dis pas que le loisir, je dis pas que le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est pas pareil. Enfin, que c'est pareil, justement. Je dis juste qu'en fait, c'est... Enfin, je vais pas en faire toute une histoire, en fait. Parce que ça donne l'idée, en fait, qu'en fait, c'est un objet stigmatisant, en fait. Et que, regardez, on a mis du jeu de rôle dans cette série, quand même. Donc, en gros, on est allé voir une minorité... Et regardez, on la rend visible quand même. Et ça m'agace. Comme si c'était honteux que de faire du jeu de rôle, tu vois. Et que ben maintenant après j'ai envie de dire il y a plein de séries dont Big Bang Theory qui ont vachement popularisé la culture geek et le jeu de rôle et les jeux société etc. et c'est devenu chic de faire du jeu de rôle et du jeu de société. Mais en fait, je vais pas sauter sur la table en disant « Oh mon Dieu, dans Stranger Things, en plus, ils ont mis du jeu de rôle, quoi. » Oui, ben, ils jouent au jeu de rôle, ils ont fait un truc, bah ok, c'est cool, mais je crie pas au génie. Et pour moi, c'est un décor comme s'ils jouent aux échecs, comme s'ils jouent à autre chose, tu vois. Et c'est pas peut-être une façon de ressortir les peurs. On va parler par exemple de la série Stranger Things. Une façon de ressortir les peurs à travers le jeu qui ressortent sur le monde réel. Ou je le fais dans l'autre sens. Les peurs des personnes qui influent sur les personnages. Alors, je suis pas sûr de savoir où tu veux en venir, en fait. Non, mais si tu veux, après, je passe là. Non, mais je veux comprendre. C'était juste la question de... Souvent, on va créer un personnage par rapport à, on va dire, une feuille de route. Mais derrière, on va peut-être... y mettre du sien, volontairement ou involontairement. Ah oui, moi je suis convaincu de ça. Ah. Donc dans Stranger Things, les gamins ont quand même une peur du grand méchant, mais derrière ils ressortent leur peur dans la série. Mais je pense même dans un jeu de rôle hors série, dans la vie classique, on peut être amené à mettre de soi dans le personnage. Ah oui, mais enfin clairement. Clairement. Même si personne n'est un elfe dans la vie réelle, c'est... Oui, non, mais enfin, clairement. Mais c'est... Alors, je sais pas comment est-ce que ça passera au montage, mais c'est pas grave, je verrai. Tu le verras. Mais oui, et puis au pire des cas, je le verrai. Mais typiquement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est typiquement pour ça qu'il y a des outils de ce qu'on appelle sécurité émotionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des... Effectivement, il y a des personnes qui... Alors, il y a plusieurs choses... Il y a des personnes qui, effectivement, vont avoir du mal à faire la différence entre leur personnage et eux. J'ai une amie, par exemple, qui n'aime pas jouer avec... pas avec nous, mais qui aime pas forcément jouer au jeu de rôle. Même si elle... Enfin, c'est pas qu'elle aime pas. Elle aime jouer au jeu de rôle, sauf que si tu fais quelque chose de mal à son personnage, elle a l'impression que tu le fais à elle. Mais elle sait parfaitement que c'est pas à elle que tu le fais. Pourtant, si tu joues avec elle et que tu fais un coup négatif à son personnage... elle va considérer que c'est à elle que tu le fais. Ou en tout cas, que tu lui en veux à elle personnellement et que tu te venges sur son personnage. Ce qui est pas du tout le cas, en plus. Mais voilà. Donc, et t'as aussi des personnes qui, effectivement, on a beau dire, par exemple, je joue avec des amis et je les connais super bien. Oui, mais ils t'ont peut-être pas raconté tout de leur vie. Ils ont peut-être vécu des traumatismes parce qu'ils n'en ont jamais parlé. Et toi, involontairement, ben, tu vas le remettre en scénario. Comment est-ce que la personne va réagir? Ben, si tu lui fais revivre son traumatisme, je suis pas sûr qu'elle le vit super bien. Donc il y a toute une batterie, alors peut-être pas suffisamment, mais il y en a quand même de plus en plus maintenant qui sont développés d'outils de sécurité émotionnelle. Par exemple, il y a ce qu'on appelle une X-card, en fait, qui permet de signaler à tout le monde qu'on va pas bien. Je fais un résumé très rapide, mais en gros, c'est ça. Si je me sens pas bien, je le signale à tout le monde. Et on passe à autre chose. Et il y a d'autres outils qui permettent effectivement de protéger les joueurs. De demander si ça va, de demander de ralentir le rythme, au sens où on veut que ce soit moins intense, ou plus intense, par exemple. Parce qu'effectivement, il peut y avoir cette situation de soit de revivre un traumatisme qu'on ne savait pas, et ou effectivement de trop s'investir dans le personnage. Et souvent, ça arrive... Enfin, le fait de trop s'investir, entre guillemets, ça peut arriver souvent quand tu commences le jeu de rôle. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle encore de ça, au cours d'une partie d'un jeu qui s'appelle Delta Green, donc du X-Files, on va dire, et où le maître de jeu m'a pris à part, parce que j'étais une personne qui bossait pour le FBI, et où il me dit, parce que je retrouve un corps, en fait, dans une petite maison, corps qui était très très très bizarre, et je comprends, en fait, que ma hiérarchie me ment. Et à ce moment-là, ma hiérarchie m'appelle sur mon téléphone. Et le maître de jeu m'a mis la pression sur le fait, ok, il y a ton chef qui t'appelle et qui te demande où tu es. Tu dis quoi? Ben oui, mais qu'est-ce que je réponds? Et en fait, il m'a mis la pression sur qu'est-ce que je devais dire, et je suis reparti de cette séance, en fait, en rentrant chez moi, en ayant le cœur qui battait encore hyper vite, d'une part, mais pas dans le sens où j'étais choqué, loin de là, mais en me disant, waouh, j'ai ressenti quelque chose d'énorme, en fait, parce que j'étais encore dans la partie, alors que ça faisait une demi-heure que la partie était finie, tu vois. Mais aussi parce que là, sur le coup, j'ai pas pris de distance avec mon personnage, tu vois. Donc, alors là, j'avais pas forcément besoin d'être en sécurité, mais il peut y avoir ce genre de situation. On va passer à la question 14. Décrivez un échec qui est devenu étonnant. Si j'avais dû répondre avant Apocalypse World, je sais pas ce que j'aurais répondu. Ce que j'adore dans Apocalypse World, enfin en tout cas les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est que même un échec conduit à quelque chose, enfin à une conséquence en fait. Alors je dis ça parce que il y a certains jeux où on peut avoir des échecs qui ah ben non, moi t'as raté, mais bon c'est pas grave. Dans ce type de jeu, si tu échoues, il va se passer quelque chose. Et bon, je vais raconter rapido parce que c'était notre première partie d'Apocalypse World, donc on découvrait le système. Où il y avait un bus qui rentrait dans une enclave avec des personnes qui étaient malades à l'intérieur du bus, et le groupe est venu pour s'interposer, savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, et puis savoir si ou pas ils allaient laisser rentrer. Le garde du corps, on va dire, qui a été incarné par un des joueurs en fait, a vu qu'il y avait une arme en fait sur un personnage en face de lui et qu'il était prêt à dégainer. Et donc, il a décidé de s'interposer avec son katana. Sauf qu'en fait, il a raté son jet. Et qu'en fait, il a découpé le bras du personnage en face de lui. Qu'il n'avait pas menacé, ni rien. Ben ça, sur un jeu classique, il aurait raté son jet. Probablement qu'il il se serait gamellé, ou il aurait eu un truc ridicule, en fait. Parce que malheureusement, souvent, dans les jeux... traditionnel, le fait d'échouer conduit souvent à ridiculiser le personnage, ce qui est absolument hallucinant. C'est pas ce qui est dit dans les règles, attention, mais c'est souvent ce que tu vois autour des tables. Là, la conséquence n'est pas qu'il allait se gameler, c'est juste que son optique et son objectif qui était de désarmer le mec en face, il s'est vautré et qu'il lui a coupé le bras. Forcément, la séance, elle a changé radicalement à partir du moment où il a coupé le bras du PNJ en face. L'ambiance a été différente. Donc, ça a été étonnant de notre point de vue, parce que l'application de la règle nous a conduit à des situations qu'on n'avait jamais vécues avant. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est que, avant, j'étais dans un mode où je protégeais mes joueurs, en tout cas les personnages des joueurs, et effectivement, j'étais jamais dans l'optique de les ridiculiser, mais pas non plus dans l'optique de les tuer. Donc, parce que pour moi, l'histoire, c'était eux, et c'était le moteur, et donc ça sert à rien de tuer le personnage juste pour dire allez on t'en recrée un autre. Ben non, enfin, si tu veux créer du drama etc, tu peux pas. Et donc un échec comme ça, j'aurais sûrement trouvé une pirouette et puis voilà. Sauf que là, je me retrouve avec un échec et on me dit la conséquence c'est ça, ça, ça, ça et ça. Et que tu fais le choix de d'avoir quelque chose d'aussi radical, parce que pour moi c'était radical, ben ouais, ça m'a mais étonné, mais la table a été hyper étonnée, et là on s'est dit ok, là on joue dans un autre jeu. En fait, si j'échoue, il y a vraiment des conséquences derrière, et il va falloir assumer derrière le fait que devant une trentaine de personnes, j'ai découpé un innocent, en tout cas qui avait rien fait, et je l'ai découpé. Et ben oui, la campagne a... En tout cas, la vision des personnes qui étaient présentes, enfin les personnages qui étaient présents dans cette scène, oui, ils ont vu ce personnage d'une autre manière. Donc c'était, pour moi, ça a été ce moment-là où ça m'a vraiment, vraiment étonné. Et c'était suite à un échec. Moi, je me régale. Ah, en plus, j'apprends plein de choses. Donc, question numéro 15. Décrivez une expérience de jeu délicate que vous avez appréciée. Waouh, délicate. Mais appréciée. Oui, oui, ça, d'accord. Mais c'est délicate surtout qui me bloque. Alors je vais prendre délicate au sens que effectivement ça aurait pu je vais dire mal se passer, c'est pas mal se passer, mais je reviens sur les petites choses oubliées, parce que c'est pas que la partie a été délicate, mais comme j'ai dit, cette partie m'a vraiment bouleversé. Et en fait, j'ai vraiment adoré cette partie, j'ai vraiment adoré ce jeu, mais du fait d'avoir été tellement bouleversé durant la partie, et j'étais pas tout seul puisqu'on joue, c'est un jeu qui joue à deux. Et je sais que la personne en face de moi, elle aussi, a ressenti la même chose. C'était délicat parce que c'était, même si, enfin, c'était un ami avec qui je jouais. On sait tous les deux, et parce qu'on a eu besoin aussi d'en parler après, on sait tous les deux qu'à certains moments, on a donné de nous. Enfin, on a raconté des moments de notre vie. Et c'était, de ce fait, ultra personnel. Ça pouvait être, entre guillemets, hyper délicat, non pas dans le fait d'avoir raconté quelque chose de personnel, mais c'était des moments qui étaient touchants, qui étaient éprouvant émotionnellement, et donc oui, c'était délicat parce que tu pouvais te retrouver dans une situation où soit tu basculais dans entre guillemets je rigole de la situation, mais parce que j'ai besoin de décompresser, ou tu peux basculer dans le je me mets à pleurer parce qu'en fait je revis un truc que j'ai mal vécu ou que j'ai mal digéré ou que j'ai pas digéré, tu vois. Donc c'était vraiment une partie qui a été délicate de ce point de vue-là. C'était comment je fais pour rester sur la corde et ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, et ça a été hyper délicat à gérer. Par contre, oui, ça, enfin, voilà, c'était une partie extraordinaire. Tu parles de moments émotionnels, et tu parlais tout à l'heure de joueurs qui disaient qu'ils pouvaient arrêter un moment à un autre, et pour qu'on change de sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans un jeu de rôle où il y a une pression indirecte, et du coup, on n'ose pas arrêter un moment qui est trop personnel, qui touche trop? Ah c'est un des arguments pour expliquer à ceux qui comprennent pas l'intérêt de la X-Card que quand t'es dans un jeu de rôle, t'es dans un jeu social, et que le fait de dire stop, je quitte la partie, c'est hyper difficile. Et ça, c'est ça qui m'énerve le plus, en fait, c'est quand les gens te disent que cet outil, qui est qu'un outil, qui est pas un truc obligatoire, tu l'utilises ou tu l'utilises pas, c'est pas un souci. Ne sert à rien. Et que ces gens qui clairement pour moi manquent d'empathie, moi ça m'énerve. Parce qu'effectivement, tu restes dans un jeu social, t'es dans un groupe, et le fait de dire aux gens je me sens pas bien, j'arrête la partie, t'as l'impression que tu vas être, j'exagère la chose, mais t'as l'impression que tu seras plus invité en fait à jouer, parce que tu seras le chieur, parce que ah ben tiens, tu t'es pas bien senti parce que on a parlé de ça. Excusez-moi, mais permettez-moi aussi d'avoir mon ressenti, tu vois. Et c'est hyper compliqué de dire, non mais je m'arrête, ça va trop loin. Alors ça va trop loin, mais ça veut pas dire que ça va. Mais c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que ce genre d'outil en fait est hyper utile, parce que d'une part pour pas stigmatiser la personne, et d'autre part pour pas qu'elle se retrouve dans une situation impossible pour elle. Parce que, c'est comme l'expression la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ma sécurité émotionnelle, elle prime sur celle des autres. Donc si à un moment donné moi je suis pas bien, je suis désolé, c'est ma sécurité qui prime. Point. Et ça se discute pas. Mais c'est compliqué. J'imagine. Alors j'espère que ce numéro vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager comme d'habitude. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier numéro consacré à ce RPG Day 2018, où l'on répondra là aux questions allant de 16 à 31. Vous verrez que les réponses sont quand même un peu plus rapides que ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Où là, on parlera d'inspiration, de mécanique de jeu, de jeux dont on a l'espoir de rejouer, et de partager certaines sources, notamment en ligne, ou des amitiés liées au JDR. À très bientôt tout le monde, et puis portez-vous bien en JDRI. Bye bye.